Moi je ne suis pas qui Maria. Ay, Tobina, Tobina. Olino ki tengengi bikuku, 17 gouloir. Pele gouloir, Bobini sa mama Thérèse ki tenge. Yas, yasonama. Ansi, soukan. Claude Njimi. Manze bouloman ideologi. Gofa, kamba. Chacho is a passage obligé. RV, effet à coup. La maman Château Rouge.